Chapitre 11. De cette demande, Annonciade ne souffla mot à sa belle-mère. Instinctivement, elle considérait celle-ci comme la dernière personne de qui elle dut prendre conseil en cette circonstance. Elle conserva donc son secret pendant les jours qui suivirent, en attendant la réponse du curé de Sainte-Marthe. Chaque après-midi, elle se rendit comme de coutume à Guerlac. Mais Wenaël ne faisait qu'une apparition dans le salon de sa mère et ne demandait plus qu'Annonciade vînt chez lui. Elle lui sut gré du sentiment qui lui inspirait cette discrétion durant le temps qu'elle consacrait à réfléchir et à prier. Run, de son côté, en conçut plus d'estime pour son frère qui eût pu si facilement, n'ignorant pas comme il était aimé, chercher à peser sur la volonté d'Annonciade. Toutes deux ne parlaient plus du sujet qui occupait cependant leurs pensées. Run avait dit tout ce qui était nécessaire et Annonciade comprenait que la sœur de Wenaël ne pouvait faire davantage. Quant à lui, qui ne la voyait qu'en présence de sa mère, son regard seul redisait à Annonciade combien elle lui était chère. À la fois heureuse et pleine d'angoisse, elle voyait s'écouler ses jours d'attente avec un mélange d'impatience et de crainte. Son cœur appartenait à cette énigmatique Wenaël, sa raison la faisait hésiter au souvenir du Wenaël d'autrefois et des inquiétudes devinées chez Mademoiselle de Pandelon. La réponse du curé de Sainte-Marthe lui parvint le lundi. Le prêtre écrivait « On vous offre une tâche de dévouement, une tâche d'apostolat. Je vous crois capable de la remplir car vous avez l'âme forte. » Mais soyez fermement décidé à conserver votre liberté de conscience et à la faire respecter. J'aurais souhaité pour vous une autre union que celle-là. Cependant, je comprends, d'après ce que vous me dites, que vos parents ont commis une imprudence singulière en permettant que vous voyiez ainsi chaque jour ce jeune homme dans des conditions qui devaient inévitablement entretenir et augmenter le sentiment que vous lui aviez gardé, en même temps que vous compromettre aux yeux du monde si M. de Pandelon n'avait pas songé au mariage. Donc, ma chère enfant, épousez-le en prenant les résolutions ci-dessus mentionnées. Mais n'oubliez jamais, dans votre nouvelle et brillante position, que vous devez rester intérieurement la pure et simple Annonciade que j'ai toujours connue. Souvenez-vous aussi que l'état d'âme de votre mari vous imposera, plus qu'à tout autre, l'austère devoir de l'exemple et du sacrifice. » Quand Annonciade eut fini de lire, elle mit son front entre ses mains et songea longtemps. Sa pensée retournait en arrière vers les grands-parents qu'il avait chéris, entourés de leur sollicitude. Que lui conseillerait-il? Avant de mourir, M. Labarelle lui avait dit encore que M. de Pandelon n'était pas digne d'elle. Mais il avait ajouté « n'a pas souffert ». Or, maintenant, Wenaël avait passé par le dur creuset. Dès lors, le vieillard reviendrait-il sur son jugement? Oui, sans doute. Il était si plein d'indulgence, d'optimisme, le bon M. Labarède. Puis il trouverait peut-être, lui aussi, comme le curé de Sainte-Marthe, qu'Annonciade pouvait difficilement refuser ce mariage après être venu chaque jour servir de lectrice au marquis de Pandelon. Un sentiment de confusion la saisit. Dans son inexpérience, elle n'avait pas songé que l'opinion pût y trouver à redire, du moment où Mademoiselle de Pandelon se trouvait toujours présente. Mais sa belle-mère devait savoir, elle. Comment avait-elle permis, encouragé même, ses rapports quotidiens? La jeune fille songea. Elle n'y a pas pensé, elle n'a vu que le bien à faire à un homme affligé d'une terrible épreuve. Néanmoins, une impression pénible subsistait en elle et se mêlait à cette instinctive défiance que lui inspirait sa belle-mère. Quand elle descendit pour le dîner, Madame Le Hennec, la mine soucieuse, se promenait de long en large dans la salle à manger. Monsieur Le Hennec et Agnès, assis à table, attendaient d'un air patient et ennuyé. Quant à Goulevin, on l'entendait jouer dehors avec le chien. Madame Le Hennec s'arrêta devant sa belle-fille. « Vous n'avez pas aperçu François, par hasard ?»« Non, ma mère, il n'est pas rentré. » « Pas encore, mais je ne supporterai pas ces retards. Hier, aujourd'hui, il faudra que cela cesse. » Plus bas, elle ajouta, « Je crains qu'il ne continue le flirt déjà commencé pendant les vacances de Pâques avec cette Miss Stephens. À cela aussi, j'apporterai bon ordre. » Ce fut encore un dîner maussade. François arriva comme on servait le plat de légumes qui composait, avec le potage et les fruits, le repas du soir. Madame Lehennec ne lui adressa aucune observation, mais quand Annonciade fut remontée dans sa chambre, elle entendit les échos d'une discussion entre sa belle-mère et ce fils préféré, peu facile à conduire sous ses airs tranquilles et froids. Bien qu'elle ne fût pas mêlée à ses dissentiments, ils étaient désagréables à sa nature sensible et, joints à l'atmosphère et l'indifférence où elle vivait, achevaient de lui rendre pénible le séjour dans la demeure paternelle. Mais un autre foyer lui était offert maintenant. M. de Pandelon attendait sa réponse et demain, elle la lui donnerait. Une réponse affirmative. Puisqu'aucun obstacle formel ne s'élevait, elle sentait bien qu'elle n'en pouvait donner d'autre. Son cœur appartenait à Wenaël, mais il restait encore craintif dans l'appréhension du mystère qui existait dans cette âme d'homme. Quand Annonciade arriva le lendemain au manoir, Run l'emmena dans le petit enclos, assombri par une forte nuée venue de l'ouest. M. de Pandelon y apparut presque aussitôt. Il salua la jeune fille et dit en souriant « Toutes deux, avec vos robes blanches, vous éclairez mon sombre petit jardin. » Quand Annonciade fut assise, il prit place près d'elle, parla un moment de choses et d'autres. Puis il y eut un court silence. Annonciade frissonnait légèrement dans l'attente des mots qui allaient venir. Run, pensive, regardait le beau visage de son frère qu'une émotion contenue changeait un peu. Wenaël se pencha vers Annonciade. « Puis-je aujourd'hui connaître mon sort? Acceptez-vous d'avoir confiance en moi ?» Elle eut une dernière hésitation. Mais son regard anxieux rencontrait les yeux verts comme l'onde, devenus plus doux maintenant et qui peut-être bientôt se couvrirait d'une ombre sans remède. Alors elle ne résista plus et dit avec un peu de tremblement dans la voix « Oui, j'ai confiance et j'accepte. » Il prit sa main et appuya longuement ses lèvres. Tous deux, à ce moment, se revirent dans le jardin de la Bastide, près du mur couvert de roses. Wenaël dit à mi-voix « Je vous aimais déjà, alors. » Annonciade baissa les paupières et la chaleur se fit plus vive sur son visage. Wenaël se tourna vers Run. « Voilà ta future sœur, Run. Je sais n'avoir pas besoin de te demander d'affection pour elle. » Run se leva et vint mettre un baiser sur le front d'Annonciade. « Non, tu n'en as pas besoin, elle m'est déjà très chère. Mon ami, je suis assurée que vous ferez le bonheur de mon frère. J'y emploierai du moins toutes mes forces, mademoiselle. » Et ce mécréant de Wenaël s'efforcera de ne pas vous rendre trop malheureuse, petite sainte. Il souriait en serrant la main palpitante et Annonciade, sous la chaleur de son regard, sentit une joie profonde qui dominait toutes les craintes. Run et les fiancés achevèrent cet après-midi dans une intime causerie. Wenaël dit à Annonciade qu'il informerait ce soir sa mère de son projet de mariage et qu'elle irait le lendemain trouver M. Lehennec pour lui demander la main de sa fille. Ni Run ni lui ne s'étaient arrêtés un instant à la pensée de la désapprobation maternelle. Madame de Pandelon ne comptait pas dans les décisions de son fils. Il le lui fit bien voir ce soir-là quand, revenue de sa première stupéfaction, elle essaya de s'opposer à ce qu'elle appelait une incroyable folie. « Jamais je ne me serais imaginé cela !» gémissait-elle. « Ah, certes, je vivais dans la quiétude au sujet de cette jeune fille. Si jolie qu'elle fût, je te croyais incapable de songer un seul instant à lui donner ton nom. » Il riposta avec une ironie froide. « C'est-à-dire que vous me croyez incapable d'être un honnête homme. Vous admettiez qu'après avoir attiré cette jeune fille près de moi, après m'être servi d'elle pour distraire ma souffrance, mon ennui, et l'avoir ainsi complètement compromise, je l'écarte un jour ou l'autre comme un objet qui a cessé de plaire. Réellement, je n'ose qualifier un tel état d'esprit. En tout cas, il n'est pas le mien et je croirais manquer à l'honneur en agissant autrement que je le fais. » D'ailleurs, cette question passe au second plan, car même si je ne devais rien à Mlle Lehennec, je serais encore décidé à ce mariage par une seule considération, c'est que je l'aime. » Madame de Pandelon éleva ses mains dans un geste de protection. « Mais elle n'est pas la première et tu n'as jamais songé pour d'autres. Oh, je vous en prie, pas de parallèle. » L'accent de Wenaël était dur et impatient. « Il serait une insulte au sentiment que m'inspire Annonciade. Je regrette que vous, une femme et une mère, vous ne le compreniez pas. » Madame de Pandelon baissa le nez un instant. Puis elle dit en balbutiant un peu, « Mais la différence de situation, pas de fortune, les grands-parents maternels étaient de la petite bourgeoisie. J'imagine que ma fortune est suffisante pour que je n'aille pas courir après une dot. Quant au reste, du moment où la famille est honorable, de bonne souche et de bonne éducation, cela me suffit. » Le ton était si parfaitement péremptoire que Madame de Pandelon se tut en s'avouant secrètement vaincue. Elle convint docilement de se rendre le lendemain chez les Lehennec pour adresser la demande en mariage. Mais elle se dédommagea plus tard avec Run, et ce fut sur la pauvre Annonciade que se déversa le flot de sa colère. Une petite coquette qui avait su prendre Wenaël en profitant de son ennui, de ses craintes pour l'avenir. Rien n'est plus dangereux que ces saintes nitouches. Mais aussi, comment supposer que Wenaël, avec toute son expérience et son humeur sceptique, se laisserait ainsi embobliner ? Run prit vivement la défense d'Annonciade et sa mère, furieuse contre elle, la renvoya en l'accusant d'avoir favorisé le jeu de cette intrigante pour laquelle, toujours, elle avait montré une ridicule sympathie. Run aurait pu lui rappeler qu'elle s'était, au contraire, efforcée d'empêcher les rapports entre Annonciade et son frère, tandis que Madame de Pandelon se plaisait à les encourager. Mais elle préféra garder le silence, car elle connaissait la nature légère, injuste, de sa mère, et n'ignorait pas que tous les raisonnements se heurteraient à un parti pris. Néanmoins, ce fut avec une apparente bonne grâce que la châtelaine de Guerlac se présenta le lendemain chez Conan Lehennec. Celui-ci témoigna d'un complet ahurissement quand il entendit que la marquise de Pandelon demandait pour son fils la main d'Annonciade. Puis il appela sa femme, qui montra peu de surprise, mais un contentement calme, tout à fait digne. Annonciade, consultée après le départ de la visiteuse, répondit en rougissant qu'elle acceptait. Alors M. Lehennec lui tapota la joue en disant, avec un sourire malicieux, « Eh, petite masque, c'est comme cela que tu prends les beaux marquis ?» Madame Lehennec déclara d'un ton satisfait, avec un éclair d'orgueil dans le regard. « C'était à prévoir. Vous faites là un mariage magnifique, Annonciade, et j'espère que vous aurez toujours la justice de vous rappeler que vous êtes entrée à Guerlac grâce à moi, qui vous ai mise en rapport avec Monsieur de Pandelon. » Un peu de froid s'insinua dans l'âme heureuse d'Annonciade. Elle eut à ce moment l'intuition du plan dressé par sa belle-mère pour qu'elle devînt la femme de l'opulent châtelain. Mais elle ne voulut pas s'arrêter à cette pensée qui, pourtant, lui revint plus d'une fois les jours suivants. La réponse affirmative étant envoyée à Guerlac, M. de Pandelon fit le lendemain sa première visite à sa fiancée. Il se montra extrêmement froid à l'égard de Mme Lehennec, indifférent pour M. Lehennec et les enfants. Il semblait vouloir témoigner dès ce jour-là que seul Annonciade l'intéressait et que les membres de sa famille n'existaient guère à ses yeux. Ce fut du moins l'opinion que Mme Lehennec, fort vexée, exprima à la suite de cette visite. Son mari, toujours plus ou moins distrait, protesta. « mais non, c'est son habitude, il est naturellement fier. » Dites qu'il a une morgue insupportable quand il lui plaît comme aujourd'hui. Sans doute nous juge-t-il infiniment au-dessous de lui et pense-t-il nous faire un grand honneur? Cependant, vous descendez peut-être du même ancêtre. Nous descendons tous d'Adam, ma chère amie. Néanmoins, les différences de situation... » Madame Lehennec interrompit d'un ton irrité. « Oui, oui, nous savons que vous admirez béatement Monsieur de Pandelon. Grand bien vous fasse. Quant à moi, s'il doit conserver cette attitude pendant les fiançailles, je pense que je ne le supporterai pas. » Elle devait le supporter cependant, trop ambitieuse, trop cupide, pour ne pas chercher à entrer dans les bonnes grâces de l'homme riche et haut placé, en réalisant ainsi le projet auquel elle avait sacrifié sa belle-fille. Pour ses fils, pour François surtout, dévoré d'ambition lui aussi, et très prodigue, M. de Pandelon pouvait être un protecteur influent et un généreux prêteur à fonds perdu. Annonciade serait près de son mari, l'avocate de ses frères, et il y avait lieu de penser qu'il ne refuserait rien à cette belle jeune femme dont il était assez épris pour lui offrir son nom, en dépit de la différence des positions. Telles étaient les petites combinaisons de Madame Le Hennec, femme pratique et soucieuse de préparer à ses enfants un bel avenir. Malheureusement, M. de Pandelon les avait pressenties, comme elle devait s'en apercevoir un jour. Il y eut un échange de dîner entre les deux familles. Après quoi, les jours de fiançailles coulèrent paisiblement. Comme auparavant, Annonciade venait tous les jours à Guerlac et faisait la lecture à Wenaël, dans la bibliothèque ou dans le petit jardin. Puis ils causaient, assis l'un près de l'autre, et Wenaël, plus par son regard que par des mots, parlait de son amour à la fiancée dont l'âme pure et craintive s'effarouchait si vite. Run demeurait souvent avec eux, mais de temps à autre, elle se retirait pour un moment. Alors Wenaël baisait longuement la main d'Annonciade et disait à sa fiancée des paroles tendres, si charmeuses sur ses lèvres, surtout avec cette chaleur sincère que l'amour donnait à son accent. Car il aimait un peu plus chaque jour, et comprenait mieux quelle joie délicate, quels jours heureux lui réservait cet être charmant, cette âme toute dévouée à lui déjà, et dont l'amour profond, n'osant encore se manifester librement, ne lui livrait que peu à peu son secret. Parfois, dans ce tranquille bonheur, passait un retour de l'humeur sombre qui avait tenu M. de Pandelon enfermé tout l'hiver à Guerlac, seul et désespéré. Sa vue ne s'améliorait pas et même, à certains jours, un voile plus épais se tendait devant elle. Un après-midi, il accueillit Annonciade par ces mots. « Je crains de vous peiner aujourd'hui, chère Annonciade, car je me sens très mauvais, j'ai mon âme de désespéré, de blasphémateur. » Elle l'interrompit en serrant avec force les mains qui se tendaient vers elle. « Oh, ne dites pas cela! Qu'y a-t-il donc ?» Il emmena vers un banc sous le figuier. D'un geste doux, il la fit asseoir, puis il prit place près d'elle, en tenant entre ses doigts les mains frémissantes. « Écoutez, ma chérie, parfois je sens toute proche cette cécité qui me guette, et je me révolte, je me raidis contre l'avenir ainsi entrevu. » Annonciade, moi qui n'ai connu que les joies de la vie, moi qui haïssais la souffrance, comprenez-vous ce que j'endure quand ces pensées terribles s'emparent de moi ? Oui, je le comprends. Rien dans la manière dont on vous a élevé, ni dans votre existence d'homme heureux, ne vous a préparé à la résignation. Mais vous pouvez y atteindre. Vous y atteindrez, Wenaël. Il dit avec une violence contenue, « Moi, résigné ? Non, non, jamais !» Une ombre douloureuse couvrit le beau regard profond attaché sur Wenaël. Celui-ci, au tremblement des mains d'Annonciade, sentit son émotion. Aussitôt, sa voix s'adoucit en disant « Je vous fais de la peine, ma pauvre chérie. Pardonnez-moi, je suis très mauvais aujourd'hui, je vous le répète, mais je vous aime toujours, je vous aime plus que jamais en ces moments-là. Ah, sans vous, je ne vivrai sans doute plus aujourd'hui. J'étais décidé à en finir avant de vous revoir dans la roseraie. Vous souvenez-vous, mon beau Lys ?» Son bras entourait les épaules d'Annonciade, tandis que ses yeux considéraient, avec une chaude tendresse, le jeune visage palpitant. « Oui, je m'en souviens. Mais il ne faut pas dire cela, Wenaël. Vous n'auriez pas commis ce crime, vous auriez été courageux devant l'épreuve. » « Non, pas devant elle, et pas sans vous. » Elle répliqua, avec son regard de timide amour et ce sourire délicat, discret, que Wenaël aimait tant. « Eh bien, maintenant je serai là pour vous aider à la porter, cette épreuve, si elle se présente. En acceptant la souffrance, nous la ferons moins dure. Et puisque vous n'avez pas le bonheur de croire, je l'offrirai pour vous à celui qui fait de la joie éternelle avec nos douleurs terrestres. » Wenaël la regarda un moment silencieusement. Il se souvenait d'une autre parole qui lui avait été dite quelque temps auparavant. « Je voudrais vous faire oublier la souffrance que vous haïssez. » Deux âmes de femmes se révélaient ainsi à lui, toutes différentes. Flavie lui offrait d'engourdir sa souffrance, annoncia de songer à la lui faire accepter avec sérénité, avec un cœur digne et fort. Toutes deux l'aimaient. Néanmoins, il comprenait combien était supérieur l'amour d'Annonciade et quelles promesses de fidélité, d'immuable dévouement, il trouvait en lui. En penchant son visage tout près de celui de la jeune fille, il dit à mi-voix « Quand vous êtes là, tout s'éclaire pour moi, ma bien-aimée. » Ses lèvres se posèrent sur les paupières d'Annonciade. Elle eut un léger mouvement de recul. Le bras de Wenaël la retint doucement, tandis que la voix, à la fois impérieuse et tendre, disait « Comme je vous ai effarouché, mon Annonciade, je ne vous en fais pas le reproche d'ailleurs. C'est ainsi que je vous aime, petite fleur blanche, mais aujourd'hui j'ai besoin d'être encouragée, fortifiée. Ce baiser, je vais en emporter la douceur dans ma veillée solitaire et pendant les heures qui me sépareront du moment où je vous reverrai. » Elle sourit de nouveau. Et Wenaël, sur la joue empourprée, si proche de ses lèvres, mit un autre baiser, très doux, auquel, cette fois, Annonciade n'essaya pas de se dérober.